chercher René, lui donner un baiser, chercher son jardin, se déshabiller, lentement tout enlever, se mettre en bikini. Et René qui bave devant le tour de taille et la petite poitrine. Sandra à la piscine, Sandra à la piscine, Sandra à la piscine, Sandra à la piscine. Sortir de la piscine, s'enrouler autour de sa petite serviette, puis le remercier pour la grande piscine, l'embrasser sur la bouche. Sandra à la piscine, Sandra à la piscine, Sandra à la piscine, Sandra à la piscine. Oh. Et moi j'imagine Sandra à la piscine, Sandra à la piscine, Sandra à la piscine, Sandra à la piscine, Sandra à la piscine, Sandra à la piscine, Sandra à la piscine, Sandra à la piscine, Sandra à la piscine.